Chapitre 17e. Ces lettres reçues, il ne perdit pas son temps à se demander quel pouvait être leur contenu. Vivement, il monta à la chambre du prince, tenant les trois lettres dans sa main. À la façon dont il frappa à la porte, le prince comprit qu'il y avait quelque chose de grave. Son moyen avait réussi. Le colonel Chamberlain arrivait. C'était lui. « Entrez !» dit-il. Mais ce ne fut pas le colonel qui ouvrit la porte. Heureusement pour le prince, la déception qu'il éprouva ne fut pas de longue durée. « Je viens de recevoir une lettre de mon maître, » dit Horace, « dans laquelle étaient incluses trois lettres que voici, une pour monsieur le prince, une pour madame la comtesse, une pour mademoiselle Carmelita. « Donnez !» dit le prince en avançant vivement la main. Mais aussitôt, se contenant et ne voulant pas laisser paraître l'angoisse qui lui serrait les entrailles, « Quelle nouvelle du colonel ? » dit-il d'une voix qu'il tâcha d'affermir. « Bonne. Mon colonel me dit de l'aller rejoindre à Paris, et comme il ne me parle pas de sa santé, je pense qu'elle est bonne. Je le pense aussi et je m'en réjouis. Au reste, le colonel aura peut-être été plus explicite dans la lettre qu'il m'adresse, et c'est ce que je vais voir. » Et prenant les lettres qu'Horace lui tendait, il congédia celui-ci d'un mouvement de main plein d'amabilité. « Enfin !» Mais, au lieu de prendre la lettre qui portait son nom, le prince ouvrit celle qui était adressée à Carmelita, pensant sans doute qu'il verrait là plus clairement ce qu'il voulait apprendre. Il fit cela vivement, sans hésitation, comme la chose la plus naturelle du monde. Carmelita ne lui appartenait-elle pas? Que serait-elle sans lui? Une déclassée, une pauvre fille, qui n'aurait jamais pu se marier. Tandis que, par son secours tout-puissant, elle allait sans doute trouver le mari qu'elle avait si longtemps et vainement attendu. Sans lui, eût-elle jamais amené toute seule le colonel Chamberlain à écrire ses lettres? Sans lui, le colonel ne serait-il pas toujours l'amant de la marquise de Lucilière? S'il touchait au succès, qui l'avait préparé, forcé ce succès? Il déplia la lettre écrite à sa nièce. N'était-il pas juste que, le premier, il recueillit le fruit de ses efforts? Il lut. « Mon brusque départ a dû bien vous surprendre, chère Carmelita. Et le lendemain du jour que nous avons passé dans la montagne, quand on vous a dit que j'avais quitté le Glion, je ne sais ce que vous avez dû penser de moi. En tout cas, quelles qu'étaient les accusations que vous avez pu porter contre moi et contre ma conduite, elles étaient fondées, puisque vous ignoriez à quel mobile j'obéissais en partant. Aujourd'hui, l'heure est venue de vous donner les explications de cette conduite étrange qui, une fois encore, a dû justement vous indigner, et je veux le faire franchement, loyalement, comme il convient à un homme d'honneur qui croit devoir se justifier. Pourquoi suis-je parti sans vous avertir? Tout d'abord, c'est à cette question que je veux répondre, car c'est la première, n'est-ce pas, que vous vous êtes posée. En effet, n'était-il pas tout simple et tout naturel que, voulant partir, je prisse la peine de vous le dire? Pour cela, qu'avais-je à faire? À frapper deux coups à notre porte de communication qui se serait ouverte devant moi et qui m'eût donné toute facilité pour m'expliquer. Je ne l'ai pas fait, cependant, et je dois vous dire pourquoi avant d'aller plus loin. La facilité matérielle de m'expliquer, je la trouvais par ce moyen. Mais je ne trouvais pas en même temps la liberté morale, et c'est cette liberté morale que je voulais, que j'ai cherchée, que j'ai trouvée dans ce brusque départ. Lorsque nous nous sommes séparés en rentrant de notre promenade, je ne pensais nullement à ce départ. Bien au contraire, je n'avais qu'une idée, qu'un but, rester près de vous. Je ne sais ce qu'a été cette nuit pour vous après les sensations et les émotions de notre journée. Pour moi, elle a été une nuit de réflexion les plus graves, car c'était ma vie que j'allais décider. C'était en même temps la vôtre. Dans des conditions pareilles, direz-vous encore, pourquoi n'avoir pas frappé à la porte de communication? Ma réponse sera franche. Parce que j'aurais subi votre influence toute puissante, irrésistible, et au lieu de voir par mes propres yeux, au lieu de sentir par mon propre cœur, au lieu de raisonner avec ma propre raison, je me serais laissé entraîner, j'aurais vu par vos yeux, j'aurais senti par votre cœur, je n'aurais pas raisonné. J'ai voulu m'assurer cette liberté d'examen et de décision. Voilà comment je suis parti, sans vous parler de ce départ, convaincu à l'avance que si je vous disais un seul mot, je ne partirais point. Or il fallait absolument que je partisse, pour avoir toute ma liberté de conscience. En vous quittant, en vous serrant dans mes bras une dernière fois, je ne m'imaginais guère que le lendemain matin, nous ne nous verrions plus. Mais dans le calme et le silence de la nuit, la réflexion a remplacé les emportements tumultueux de la journée. Et peu à peu, j'étais amené à faire l'examen de ma situation morale dans le présent, aussi bien que dans le passé. En commençant cette lettre, je vous ai promis une entière franchise et une absolue sincérité. Je dois donc, quant à cette position morale, entrer dans des détails qui, jusqu'à un certain point, seront des aveux. Je sens combien ces aveux sont délicats entre nous. Je sens combien ils sont difficiles, mais je m'imputerai à crime de ne pas les faire. En ces derniers temps, j'ai éprouvé, chère Carmelita, une terrible douleur qui me laissait anéanti, et j'ai cru que mon cœur était mort pour la tendresse, si bien mort que personne ne le ressusciterait jamais. Cet aveu vous fera comprendre comment, dans cette vie d'intimité qui a été la nôtre, jamais un mot de tendresse n'est sorti de mes lèvres. Jamais un regard passionné, jamais un geste n'est venu troubler la confiance que vous aviez en moi. Vous aimais-je ? Je ne me posais pas cette question et l'idée que je pouvais encore aimer ne se présentait même pas à mon esprit. La surprise qui nous a mis dans les bras l'un de l'autre a été l'éclair qui a déchiré la nuit qui m'enveloppait. Arrivé à ce passage de la lettre qu'il lisait, le prince s'arrêta un moment et haussa doucement les épaules avec un sourire de pitié. Mais il ne s'attarda pas dans des réflexions oiseuses et bien vite, il reprit sa lecture au point où il l'avait interrompue. Les éclairs, vous avez vu dans cette journée d'orage les effets qu'ils produisent. Ils éblouissent, et lorsqu'ils s'éteignent, l'obscurité qu'ils sont pour une seconde déchirée et illuminée reprend plus sombre et plus noire. Il en est dans les choses morales comme dans les choses matérielles. L'éclair qui m'avait ébloui s'était éteint, je restais aveugle. Sans doute, il m'était facile de faire jaillir de nouveau les lueurs qui avaient projeté leur lumière dans mon âme. Pour cela, je n'avais qu'à venir près de vous. Du choc de nos regards naîtraient de nouveaux éclairs. Mais l'effet ne serait-il pas toujours le même, et l'aveuglement ne succéderait-il pas encore à l'éblouissement? Ce n'était point ainsi que je devais tenter l'examen que je voulais. Ce n'était point près de vous, sous votre influence, sous votre charme. C'était dans la solitude, dans le calme, seul en face de moi-même, que je devais m'interroger franchement, et franchement me répondre. Voilà pourquoi je suis parti. Ce que je voulais savoir, ce n'était point si j'étais capable d'être heureux près de vous. Cela, je le savais, je le sentais. Et m'éloignant le matin de l'hôtel où vous dormiez, regardant les fenêtres de votre chambre, pensant à notre journée de la veille, je retrouvais encore dans mes veines des frissonnements de bonheur. Mais étais-je capable de vous rendre heureuse? Pouvais-je vous aimer comme vous devez être aimé? Cela, je ne le savais pas d'une manière certaine et je voulais le chercher. Cet examen, je l'ai fait en toute franchise, en toute conscience. Depuis que je me suis éloigné du Glion, il ne s'est point écoulé une heure, une minute, qui ne vous a été consacrée, et aujourd'hui je viens vous dire que j'écris au prince, votre oncle, et à madame la comtesse, votre mère, pour leur demander votre main. Voulez-vous de moi pour votre mari, chère Carmelita? Vous prierez votre oncle de me faire connaître votre réponse. Le prince s'arrêta de nouveau, et posant la lettre sur la table qui était devant lui, se renversant dans son fauteuil, il se mit à rire silencieusement. Quelqu'un qui l'eût observé se fût assurément demandé s'il devenait fou. Sans une parole, sans un éclat de voix, il riait toujours, la bouche largement ouverte, la mâchoire inférieure tremblante, les yeux remplis de larmes. Tout à coup il s'arrêta et haussant les épaules. « Le remords des honnêtes gens, » dit-il à mi-voix, et il recommença à rire, mais tout haut cette fois, en prononçant des paroles saccadées et inintelligibles. Quelques mots seulement avaient un sens. 8 jours. Lutter. Réparation obligée. Enfin. Puis, son accès de joie s'étant un peu calmé, il reprit et acheva sa lecture. Soyez assurés que vous trouverez en moi un mari qui vous aimera loyalement, et qui tiendra fidèlement un engagement qu'il n'a voulu prendre qu'en connaissance de cause. Venaient ensuite quelques phrases de tendresse qui n'étaient que le développement de cette idée, mais le prince ne les lut que d'un œil distrait. Que lui importait? Ce n'était pas des penchements de ce genre qu'il avait souci, ce n'était pas l'expression d'une tendresse plus ou moins vive qu'il cherchait, mais un fait positif. Ce fait, il l'a trouvé, la demande en mariage. Enfin, il s'était décidé. Mais combien longue, combien difficile à prendre avait été cette décision? il n'était pas nécessaire d'être un profond psychologue pour comprendre comment les choses s'étaient passées, quelles avaient été ses hésitations, et enfin comment s'était formée sa résolution. Il y avait de la franchise dans cette lettre bizarre, mais il y avait aussi des réticences, des précautions oratoires, des sous-entendus qui en disaient long, à qui se donnait la peine de chercher et de lire entre les lignes. Il ne disait pas tout, il s'en fallait de beaucoup, et ce qu'il cachait était bien significatif. Ainsi, il était bien probable que ce n'était pas seulement pour retrouver sa liberté morale qu'il était parti, de même que ce n'était pas seulement non plus pour faire librement son examen de conscience, comme il le disait. Il était parti pour fuir Carmelita, pour échapper à un mariage qui l'effrayait. Il avait obéi au mouvement instinctif de la peur, et il s'était sauvé. Voilà pourquoi il avait caché son départ, pourquoi il n'avait pas frappé à la porte de communication, pourquoi il n'avait pas écrit. S'il avait voulu simplement faire son examen de conscience dans la solitude et à l'abri de l'influence de Carmelita, qui l'empêchait d'écrire un mot et de prétexter un voyage de quelques jours, mais parti sans esprit de retour, pour fuir, pour se sauver, il ne pouvait pas écrire, de là son long silence si mal expliqué. Cependant, comme c'était un honnête homme que le colonel Chamberlain, il était revenu sur ce mouvement instinctif, il avait réfléchi, et le remords avait pesé sur sa conscience. C'était alors sans doute que la maladie de Carmelita, annoncé par Horace, avait produit un effet décisif. Car persistant dans sa première idée, le prince croyait fermement qu'Horace avait tenu son maître au courant de ce qui se passait au Glion, jour par jour. Sachant Carmelita sérieusement malade, connaissant mieux que personne la cause de cette maladie, le colonel avait été entraîné et la pitié avait achevé ce que la conscience avait commencé. Décidément, avec les honnêtes gens, il fallait toujours tenir compte de la conscience et la prendre pour auxiliaire. Que serait-il arrivé si le colonel ne s'était point trouvé moralement engagé envers Carmelita et par suite exposé aux reproches et aux suggestions de sa conscience? La réponse à cette question n'était pas douteuse. Assurément, il ne se serait jamais décidé à ce mariage. Le plan qui consistait à obliger cette conscience à entrer en jeu était donc habile. Et le succès venait de prouver combien cette combinaison, en apparence hasardée et dangereuse, était sûre, pratiquement. « Il ne faut pas désespérer de l'humanité, que diable !»« Et c'est pour ne pas vouloir croire qu'il y a du bon en elle, que tant de gens habiles d'ailleurs échouent dans leurs calculs. » Et sur cette réflexion philosophique, le prince passa la lettre qui lui était adressée. En gros, il savait, ou tout au moins il croyait savoir, comment le colonel avait été amené à cette demande en mariage, et pour le moment cela suffisait. Maintenant, il était curieux de voir comment sa lettre était rédigée. Elle l'était de la façon la plus simple et en termes aussi brefs que possible. « Mon cher prince, je n'ai pu vivre dans l'intimité de votre charmante nièce sans me prendre pour elle d'un sentiment de tendresse qui peu à peu est devenu de l'amour. J'ai l'honneur de vous demander sa main, et je vous prie d'être mon interprète auprès de Madame la comtesse Belmonte, à laquelle d'ailleurs j'écris directement pour appuyer ma demande. » Je ne veux aujourd'hui présenter que la question de sentiment. Quant à ce qui est à faire, nous nous en occuperons, si vous le voulez bien, de vive voix, lorsque nous aurons le plaisir d'être réunis. Croyez, mon cher prince, à mes meilleurs sentiments, Édouard Chamberlain. Autant le prince avait été satisfait de la lettre écrite à Carmelita, autant il fut mécontent de celle-là. Vraiment, ce marchand de pétrole le prenait de haut, et d'un ton bien dégagé, avec le dernier représentant des Mazzazoli. N'eût-il pas pu se mettre en peine d'une lettre plus respectueuse et garder le sentiment de la distance qui sépare la naissance de la fortune? Riche, il l'avait été. Les Mazzazoli ainsi que les Belmonte et M. Chamberlain, fils d'un misérable ouvrier parisien, n'avaient jamais été nés. Enfin, ce serait une nuance à bien établir lorsque le mariage serait conclu. Pour le moment, il y avait mieux à faire qu'à se perdre dans des détails de ce genre. Il prit la lettre adressée à la comtesse et l'ouvrit. Elle était à peu près la répétition de celle qu'il venait de lire avec plus de politesse seulement et moins de sans-gêne. Alors, réunissant ces trois lettres, il passa dans la chambre de Carmelita, où se trouvait la comtesse. « Je viens de recevoir une lettre du colonel Chamberlain, dit-il. « Hein ?» s'écria la comtesse. Carmelita ne dit rien, mais se soulevant sur le fauteuil où elle était étendue, elle regarda son oncle fixement. « Voici deux lettres qui vous sont adressées, » continua le prince. et il remit ses lettres, l'une à sa sœur, l'autre à sa nièce. « Ne me faites pas mourir d'impatience !» s'écria la comtesse, les mains tremblantes. « Parlez donc, lisez » dit-il. Carmelita n'avait point entendu ce conseil. Prenant la lettre des mains de son oncle, elle en avait commencé vivement la lecture sans faire d'observation à propos du cachet brisé. Mais la comtesse tremblait tellement qu'elle ne pouvait lire. Alors le prince, s'approchant d'elle, lui reprit la lettre et la lui lut à mi-voix. « Ah, le bon garçon !» s'écria la comtesse. « Ah, bon père Giorgio !» Et elle joignit les mains en marmottant quelques mots inintelligibles. À qui s'adressait son remerciement ? Au colonel ou au père Giorgio ? Cependant, Carmelita avait achevé la lecture de sa lettre, beaucoup plus longue que celle de sa mère. Le prince qui l'observait n'avait pas vu son visage pâlir ou rougir. Mais lorsqu'elle fut arrivée à la dernière ligne, elle se leva vivement et lançant à son oncle un regard triomphant. « Eh bien, suis-je une oie ?» Le prince fléchit un genou devant elle et lui prenant la main avec un geste d'humble adoration. « Un ange !» dit-il, et respectueusement, il lui baisa la main. À son tour, la comtesse vint devant sa fille et lui prenant la main, comme l'avait fait le prince, elle la baisa aussi avec une génuflexion. Ainsi sa mère et son oncle se prosternaient devant elle. L'élan de fierté qu'elle avait eu en lisant la lettre de son mari ne tint pas contre cette humilité. Elle prit sa mère dans ses bras et l'embrassa tendrement. De même, elle embrassa aussi son oncle. Alors, tous trois, en même temps, se mirent à rire silencieusement, irrésistiblement, comme le prince avait ri en lisant la demande du colonel. Puis, la joie les envahissant, ils laissèrent échapper des éclats de rire mêlés à des mots entrecoupés. « Quand retournons-nous à Paris ?» demanda Carmelita, retrouvant la première sa raison. « Rien ne presse. Ne montrons pas une hâte maladroite. « Vous croyez-vous éternel ?» s'écria la comtesse. Sans répondre à sa sœur, le prince se tourna vers sa nièce et avec des formes révérencieuses qu'il déployait pour la première fois, car habituellement il la traitait plus que durement. « Je crois, » dit-il en paraissant lui soumettre son idée, « qu'il est bon que je réponde en quelques lignes au colonel que sa demande nous agrée, et que nous le prions de venir nous le répéter de vive voix. Il est bon qu'il revienne, humble et repentant, dans cet hôtel. Ce n'est pas seulement une satisfaction d'amour-propre, mais cela peut être utile à votre autorité future, ma chère nièce, et à votre puissance. Je m'en remets à vous, mon oncle, pour aujourd'hui, comme pour toujours. Vous êtes un ange, ma nièce. »